comparaison. Regarde dans une direction. On voudrait arrêter le temps. On le voudrait de toutes nos forces. Mais dis-moi seulement qui prétend regarder derrière l'horizon. Oui, j'aimerais tellement y croire. Si seulement, si seulement je pouvais. Oh oui, j'aimerais tellement le croire. Si seulement, si seulement je pouvais. Seule face à mes défauts, j'entends comme un écho. Ce poids sur les épaules, l'enfer c'est toujours les autres. Je toc toc toc mais personne. Pas derrière l'écran, les petits qui se prenaient pour des grands. Dis-moi ce qui reste quand tu trottes, des principes pour de nouveaux codes. Moi j'ai décidé d'avancer, oublier tout ce que j'ai laissé. Oui, j'aimerais tellement y croire, si seulement, si seulement je pouvais. Oh oui, j'aimerais tellement le voir, si seulement, si seulement je pouvais. Seule face à mes défauts. Face au défaut, j'ai tout essayé, ça sonne faux. Seul face au défaut, à mon ego, à mon ego. Seul face au défaut, j'ai tout essayé, ça sonne faux. Seul face au défaut, à mon ego. Seul face à mes défauts.